بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فلا لونج تاع الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de cette rencontre avec des frères avec lesquels nous sommes liés par le livre d'Allah et la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام selon la voie et la compréhension de nos plus prédécesseurs de Allah alayhim. Et puis, avant de commencer, nous remercions ceux qui sont à l'origine de ces rencontres, car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé, comme il est dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasser Abdel Albani, rahmatullah alayhi, hadith d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man la yashkur al-nas, la yashkur illah. » Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens, il ne sera pas reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, nos remerciements sont pour les frères et sœurs qui ont fait l'effort de se déplacer pour assister à ces rappels, en faisant confiance à leurs frères intervenants. Qu'Allah vous bénisse, nous comble tous de la science bénéfique. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'être au mieux de ce que vous supposez sur moi, et qu'il me pardonne ce que vous ne savez pas. Et mes remerciements aussi sont pour le frère sur les ondes de la radio Taqwa. Et ces assises ne sont tout simplement que la mise en application du verset où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ceci. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Donc, la traduction approximative du sens du verset, il fait le rappel, car le rappel fait du bien aux croyants, ou il est profitable aux croyants. Sa'di rahimahullah, dans l'interprétation de ce verset, en résumé, il dit que le rappel, il y a deux sortes de rappels. Le rappel des choses qu'on ne connaît pas pour qu'ils soient connus. Et le rappel des choses qui sont connues, hein, et c'est le sujet de nos assises, hein, parce que l'être humain oublie. L'être humain tombe dans l'insouciance. Et quand le rappel est prodigué aux croyants, ben il se rappelle, il s'exhorte, il met en application. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons le louer constamment et toujours. Nous devons le louer constamment et toujours, car il est dit dans le verset, la in shakartum la zidannakum. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Et le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'appellent les hommes de science disent, le fait de les reconnaître, ça préserve le bienfait qu'on a, et ça l'augmente, et ça fait ramener, et ça ramène le bienfait qu'on n'a pas. Et aussi, ça joue dans le sens contraire. Quand on n'est pas reconnaissant vis-à-vis du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disparaissent. Ils diminuent, ils disparaissent aussi. Ah. Et donc, et fait partie du grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de mettre en application ce qu'il veut de nous, s'abstenir de ce qu'il a interdit, et de mettre en application ce qu'il veut de nous, hein, et d'apprendre la religion d'Allah azza wa jal, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Vous n'êtes pas sans savoir, dans ce genre de pays, on les déviants ainsi que les ennemis d'Allah azza wa jal font la guerre à cet islam authentique et à cette voie des plus prédécesseurs d'Allah alayhim, et à l'enseignement de cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et après cette introduction, je passe au sujet de mon intervention pour ce soir, qui sera les moyens ou les causes pour augmenter la foi. Et je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, ce ne sont que des paroles que vous avez déjà entendues de là, des hommes de science concernant ce sujet. Ce n'est qu'une compilation de paroles d'hommes de science et de demandeurs de science. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala couvre de ses saintes miséricordes les vivants, les morts, et que Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie du vivant dans son obéissance. Le sujet est très vaste, hein? Les causes de l'augmentation de la foi, et tous on sait, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance de la foi et les bienfaits de la foi dans la vie du croyant, dans ce bas monde et dans le delà. Il n'y a pas de succès ni de réussite dans ce bas monde et dans le delà qu'avec une foi authentique. C'est ainsi que l'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Ça ne peut pas être autrement. Les croyants ont le succès dans ce bas monde et dans le delà. Et ceci au début de sourate Al-Mu'minoun, il est dit « Qadaf lahal mu'minoun ». Le succès, les croyants ont le succès. Les croyants ont réussi, ont la réussite. Ainsi il est dit au début de la sourate des croyants. Donc le souci de l'être humain, son bonheur dans ce bas monde et dans le delà, dépend de la foi de celui-ci. Dépend de la foi de celui-ci. Donc, les croyants ont le succès dans ce bas monde et dans le delà. Et ce succès, on ne saurait l'avoir qu'avec une foi authentique et avec les actes qu'implique cette foi, parce que la foi est un ensemble. Ce sont des croyances dans le cœur et ce sont aussi des paroles avec la langue et des actes avec nos membres. Hein? Et plus la foi de la personne est grande, plus son bonheur est grand. Plus sa foi est petite, son bonheur le sera aussi, que ce soit dans ce bas monde ou dans le delà. Hein? La foi par le biais de laquelle le soumis Allah subhanahu wa ta'ala obtient la satisfaction et l'agrément. C'est avec cette foi qu'il obtient la satisfaction et l'agrément de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée les œuvres, il ne les accepte que du croyant. Donc pour être comblé de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, cela s'acquiert avec une foi authentique en Allah subhanahu wa ta'ala et avec ce que implique cette foi et les obligations de cette foi, comme acte du cœur, comme acte de la langue et comme acte qu'on le faisons avec nos membres. Donc les non-croyants sont privés de tout ce bien et de tout, de la réalité du plaisir dans ce bas monde et dans le delà, et de la réalité du bonheur dans ce bas monde et dans le delà, et de toute joie, de toute réelle joie dans ce bas monde et dans le delà, ils sont privés, hein, d'une grande chose aussi le jour de la résurrection, c'est qu'ils ne verront pas leur souverain subhanahu wa ta'ala. Hein, ce summum du bonheur, ils l'auront pas. Hein? Ils seront, alors que les croyants vont avoir cet énorme bien et cette énorme grâce qui est le fait de voir leur souverain subhanahu wa ta'ala. La foi qui sauvera le soumis de la malédiction, c'est la foi qui sauve le soumis de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui le sauve de son châtiment, qui le sauvera de l'enfer et des gouffres du Jahannam. Car Jahannam a été préparé pour les non-croyants. Ou iddat lil kafirin. Il a été préparé à ceux qui ne croient pas. Le croyant sera sauvé par sa foi, même s'il a été négligent dans ce bas monde. Même s'il a, sa foi est faible. Même s'il a été laxiste. Même s'il a commis des péchés. Si Allah subhanahu wa ta'ala le châtie pour ce qu'il a commis, ce sera justice accomplie min Allah azza wa jal, mais il ne sera pas éternellement au feu de l'enfer, ni éternellement dans le châtiment. Abadan. Hein? Et un jour ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, quand ce sera arrivé le temps que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, il le sortira de là. Comme il est dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et par Ibn Khuzaymah rahmatullahi alayhim jami'a, mon hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sortez de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah, et dans son cœur, il y a un atome de bien. Hein? Donc, n'importe comment, la foi, même s'il est faible chez la personne, il va le sauver. Hein? Et ça, c'est l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi prodigue à l'être humain le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il lui prodigue aussi l'apaisement et la quiétude de l'esprit. قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Donc la traduction approximative du sens du verset, ceux qui ont cru, leurs cœurs sont apaisés par l'invocation d'Allah. Certes, c'est avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que s'apaise les cœurs. Ceux qui ont cru, fait bonne œuvre, ils ont tauba. Tauba ici, il a deux explications. La bonne vie dans ce bas monde et la bonne vie dans le delà est aussi un arbre. Il a été expliqué par un arbre dans le paradis. Et quelle bonne fin que tout cela. Et ceci, il est réservé à qui? Aux croyants qui ont accompli la foi et ses obligations. Les bienfaits et les effets de la foi sont énormes. Hein? La foi a plein de bénédictions, plein de bienfaits, que ce soit au niveau de ce bas monde ou au niveau de, dans le delà. Et c'est impossible de comptabiliser les bienfaits de la foi. Toute quiétude, toute joie, tout bonheur, tout apaisement, dans ce bas monde et dans le delà, son origine, c'est la foi. Et tout malheur, toute angoisse, toute tristesse, toute catastrophe, dans ce bas monde et dans le delà, sa source, c'est la faiblesse de la foi ou la disparition de la foi. C'est pour ça qu'on l'être est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de la foi. C'est un grand bienfait min Allah azza wa jal. Et ce grand bienfait n'a pas d'égal. Et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanahu wa ta'ala, il comble avec qui il veut parmi ses créatures. Ce n'est pas l'intelligence de la personne qui fait. Abadan. Le choix, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit qui il veut pour la foi subhanahu wa ta'ala. Et qui mérite d'être croyant, qui mérite de ne l'être pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Abadan. Et donc, il comble qui il veut par cette foi. Et s'il est comblé par cette foi, bah, il est sur le chemin d'acquérir le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. Donc regarde la traduction approximative du sens du verset. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait aimer la foi et qui a embelli vos cœurs avec, hein, et qui vous a fait détester la mécréance, la perversité, la débauche, la désobéissance. Et ceux-là, ce sont les mieux orientés. Et ceci, c'est une grâce d'Allah, est un des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc s'il en est ainsi, il faut la demander à Allah. Hein? Donc la foi, c'est un bienfait, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, le soumis n'aurait pas pu faire quoi que ce soit. Il n'aurait pas pu avoir la foi. Hein? Et il ne pourrait pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ni accomplir aucun acte d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les nobles compagnons, ridwanullah alayhim, disaient Laulallahu mahtadayna wala sallayna wala sumna wala saddaqna. Ceux qui avaient compris et que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est obligatoire de prendre cette religion par leur compréhension, qui sont les nobles compagnons, ridwanullah alayhim, disaient: si c'est pas Allah, on serait pas guidé. Et on n'aurait pas pu prier. Et on n'aurait pas pu jeûner. et on n'aurait pas pu donner l'aumône. Hein? Et ceux-là ont compris. Ridwanullahi alayhim. Et Allah subhanahu wa ta'ala les fait obligatoire de suivre leur chemin. Et que l'agrément d'Allah, le bonheur dans ce bas monde, dans le-delà, il est dit dans leur chemin, Ridwanullahi alayhim. C'est pour ça, il est du devoir de celui qui a été comblé par ce grand bienfait qu'il iman, qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Et qu'il fasse les éloges du clément subhanahu wa ta'ala, comme il sied à sa grandeur subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne cesse de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la constance dans ce grand bienfait avec lequel il l'a comblé. Médite ce que dit notre messager alayhi salatu wassalam dans son dua pour le mort. Lorsqu'il est rapporté par Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, et authentifié par Sheikh Nasr Din Albani, rahmatullahi alayhi, il dit alayhi salatu wassalam, Allahumma man ahyaytahu minna fahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Ô Allah, celui parmi nous dont le terme n'est pas arrivé, c'est-à-dire que la mort, l'ange de la mort n'a pas reçu l'ordre de prendre son âme, celui dont le terme n'est pas arrivé, fais-le vivre sur l'islam. Et celui que tu fais mourir parmi nous, fais-le mourir dans la foi, dans l'iman. Hein? Il disait, alayhi salatu wassalam, aussi dans ce hadith rapporté par Nasa'i, et authentifié par Sheikh Nasr Din Albani, rahmatullah alayhi, Allahumma zayyinna bi zinati al-iman, waj'alna hudatan muhtadin. Ô Allah, embellis-nous avec la foi et fais de nous des guides guidés. Il dit alayhi salatu wassalam dans le hadith authentique, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Hein? Donc le soumis à Allah a besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et a besoin qu'Allah le fasse, hein, le fasse réussir, qu'il lui donne la réussite pour accomplir l'iman et les obligations de l'iman et tout ce qui implique l'iman. Pour que sa foi puisse augmenter et pour que sa certitude sur Allah puisse augmenter aussi, hein, et se renforcer. Donc, frère en Allah, Azza wa Jal, parler de la foi, de ses bienfaits louables dans ce bas monde et dans le-delà est un sujet qui est très vaste. Et nous en avons besoin, nous avons tout le temps besoin de se rappeler cela. La foi et les choses qui la font augmenter et les choses qui la font, hein, diminuer ou qui la font disparaître. Et toute chose qui augmente, diminue. Toute chose qui augmente, elle diminue aussi. Hein? Et nous devons tout le temps nous rappeler, hein, ce sujet qui est très important dans notre vie. Enfin, la foi arrive, grandit chez la personne, arrive à des sommets très hauts. Et des fois, il baisse au plus bas degré. Hein? Et combien parmi nous souhaitent avoir une foi énorme, une grande foi, mais les souhaits seulement ne servent à rien. La situation ne s'obtient pas avec un souhait. Abedan. Hein? Peut-être que l'être humain, l'ange de la mort vient le prendre alors qu'il vivait que sur les souhaits. Je vais, Inch'Allah, je vais faire cela, je vais ça, si j'ai cela, je ferai cela, et ainsi de suite. Hein? Il se projette dans l'avenir, l'ange de la mort vient le prendre, il a rien fait. Je vais faire ma hijra, si j'atteins telle somme, je vais. Et l'ange de la mort, il vient, il le fauche, il a rien fait. Et il est dit dans le verset, « Laysa bi amaniikum, wa la amani ahli al-kitab, man ya'mal su'an yujzabih. » Donc le verset, il nous dit ceci, hein, ce n'est, dans la traduction approximative du sens du verset, ceci ne dépend pas de vos souhaits, ni des souhaits des gens du livre. Celui qui fait un mal sera rétribué pour son mal. Donc, les souhaits ont besoin, ont besoin d'actes, de motiver l'acte, de bouger pour faire. La foi, ce n'est pas des souhaits, mais c'est une croyance authentique et un accomplissement des œuvres, et c'est des efforts constants et de la patience et des sacrifices aussi. Hassan al-Basri rahimahullah disait, la foi ce n'est pas des souhaits, la foi ce n'est pas une parure, mais la foi c'est ce qui est enraciné dans le cœur et certifié par les œuvres. C'est quelque chose qu'il y a dans le cœur, mais il doit être certifié par les actes et par les paroles. Ça c'est la foi. C'est pour ça que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit s'éloigner de la fainéantise, de la paresse, de la négligence, de la mollesse, et doit prodiguer des efforts et endurer dans l'effort jusqu'à arriver au noble degré dans la foi. Et dans ses efforts, il doit chercher l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lui a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Cherche et tiens à ce qui va t'être bénéfique. Et demande l'aide à Allah azza wa jal. Donc, l'importance, et ceci nous montre l'importance de se rappeler mutuellement les causes de l'augmentation de la foi, pour que ça nous booste, ça nous motive à faire des efforts sur nous-mêmes, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et aussi de se rappeler les causes de la diminution de la foi, pour les éviter et s'en éloigner, et pour y prendre garde. C'est pour ça que le croyant qui tient à préserver et augmenter sa foi doit observer deux choses. Celui qui veut augmenter sa foi et garder sa foi, comme disent les hommes de science, il doit observer deux choses. Il doit voir, premièrement, les obligations de la foi et aussi les compléments de celle-ci, et les causes qui la font augmenter, et puis les apprendre, les assimiler, mais ce n'est pas le but, de les mettre en application correctement, conformément au livre et à la sunna. De les accomplir conformément à ce qui est demandé dans la sunna du messager, alayhi salam, à ce qui a été transmis. Car le savoir, si on ne le met pas en application, c'est une preuve contre nous. Toute chose que nous savons et que nous ne mettons pas en application, on va rendre des comptes à Allah, Azza wa Jal. Il y a à craindre d'être dans une situation dangereuse qui est la situation de ceux qui encourent la colère d'Allah. Pourquoi ils encourent la colère d'Allah? Ils connaissent la vérité, ils ne la mettent pas en application, ils la cachent. Alors, il y a à avoir très peur de cela. Et donc nos œuvres, nous devons les accomplir dans la sincérité et dans le suivi du messager alayhi salam. C'est ainsi que la foi va augmenter. Le deuxième point qu'il faut observer, c'est faire très attention aux causes qui diminuent la foi. Il est demandé aux musulmans de connaître le bien pour l'accomplir et de connaître le mal pour faire attention au mal et pour s'en éloigner. Donc nous avons un pieux prédécesseur de taille à ce niveau-là. Comme il est rapporté par l'imam Bukhari, rahmatullah alayh, notre pieux prédécesseur, cette voix-là, c'est le porteur, l'homme du secret du prophète, alayhi salam. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الجزي رضي الله عنه وارضاه les gens posaient la question au messager عليه الصلاة والسلام sur le bien et moi je posais la question au prophète عليه الصلاة والسلام sur le mal pour ne pas y tomber. C'est pas pour le connaître seulement, pour ne pas y tomber dans le mal. Et que ce soit le bien ou que ce soit le mal, on cherche à l'apprendre pour le mettre en application. Le bien. Hein? Le bien, on cherche à le connaître pour le mettre en application. Et le mal, on cherche à le connaître pour l'éviter et pour ne pas tomber dans le mal. C'est pour ça que le musulman qui cherche à être sauvé et avoir du succès dans ce bas monde et dans le delà, doit observer les choses qui augmentent sa foi et les mettre en application. Et observer aussi les choses qui vont diminuer sa foi et s'en éloigner. Et faire une distance entre lui et tout ce qui va diminuer sa foi. Parmi les choses importantes qui font augmenter la foi, la science bénéfique. La science du livre et de la sunna, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs, wallah alim. Car c'est la source pour savoir ce qui augmente la foi et ce qui diminue la foi. Ça vient de قال الله قال رسوله قال الصحاب الكرام رضوان الله عليهم. Ça c'est la source. Hein? L'apprentissage et la révision de la science bénéfique, قال الله قال رسوله قال الصحاب الكرام, ceci augmente la foi. Il ramène beaucoup de récompenses à la personne dans ce bas monde et dans le delà. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous, surtout dans ce monde dans lequel on est actuellement, hein, et on est entouré de déluges de tentations. On est attiré par l'acquisition du confort et de ce bas monde. Hein? Nous devons doubler d'efforts sur nous-mêmes pour apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et hier, en prenant la route pour venir vers vous, j'ai un entretien avec Cheikh Ben Mahrez et je lui ai dit quel conseil prodiguer à nos frères à Grenoble. Il m'a dit pour les frères de Grenoble et pour les frères de partout, je leur conseille l'apprentissage et la mise en application de ce qu'ils apprennent. Et de propager ce qu'ils apprennent, qu'ils l'apprennent à leurs femmes et à leurs enfants parce qu'ils sont sous leur responsabilité. Hein? Parce que ils doivent s'acquitter de leurs responsabilités et qu'ils doivent pas perdre leur temps dont ils ont dit dire et que leur temps passe comme ça. Hein? Il a prodigué parmi les choses qu'il a dites, il a dit ce point essentiel qui est le fait d'apprendre sa religion et de l'enseigner à ceux qui sont sous nos responsabilités, et à ceux de la propager au milieu de gens que nous connaissons et ceux qui nous sont proches, et ainsi de suite, et tous ceux à qui on peut la propager, et tous ceux qu'on peut conseiller, et de ne pas perdre le temps. Parce que le temps sera, on doit rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala pour notre temps. Et nous avons à méditer ceci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a fixé les buts de notre journée. Chaque matin nous faisons ce rappel. Mais est-ce que réellement on se rend compte de la valeur de ce rappel et vers quoi il nous oriente ce rappel? Chaque matin après salat al-fajr fait partie de la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, dans les invocations que nous faisons après l'obligation de salat al-fajr, de dire Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Est-ce que nous comprenions vraiment le sens de ce dua? Et est-ce que nous le mettons en application? Partant de ce hadith, les hommes de science disent qu'il est obligatoire aux musulmans chaque jour d'apprendre sa religion. C'est pas une fois par semaine, ou là une fois qu'on a la visite d'un demandeur de science. Chaque jour. Pourquoi? Parce que ceci l'ont pris de ce hadith où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Allah, je te demande une science bénéfique et une bonne subsistance et des œuvres qui soient acceptées et agréées par qui? Par Allah Azza wa Jal. Et tu as remarqué comment il a commencé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Il a commencé par le savoir, parce que c'est le savoir qui va te faire connaître ce que c'est que la bonne subsistance, la subsistance qui est illicite et celle qui n'est pas illicite, et celle qui ne l'est pas. Et c'est la science bénéfique qui va t'orienter vers l'œuvre qui va être acceptée par Allah Azza wa Jal. Hein? En dehors de ça, tu ne pourras pas le savoir. Hein? Et chacun de nous doit se poser la question: où sommes-nous par rapport à ce dua que nous faisons chaque matin? Où sommes-nous de l'apprentissage? Et où sommes-nous aussi de notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants et de nos femmes? Hein? Le problème de nos femmes et de nos enfants est un problème crucial de notre vie dans cet environnement laïque. Hein? Et dans cet environnement où la guerre, hein, bat son plein contre la vérité et contre les gens de la vérité et contre l'éducation sur la vérité et sur le chemin de la vérité. Tu imagines des petites écoles d'apprentissage d'enfants sont fermées. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent aux enfants les trois principes fondamentaux, c'est-à-dire, hein, les questions de la tombe. Si on n'accomplit pas notre vie sur la connaissance d'Allah, la connaissance de sa religion et la connaissance de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, on est perdu. Avec quoi on va augmenter notre foi? Comment on va rencontrer Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qu'on dira pour notre responsabilité pour nos enfants et pour nos femmes? Hein? C'est pas avec la fête d'avoir une fiche de paie qui dépasse les 5000 euros plus ou moins et qui fait, hein, claquer les yeux, c'est pas avec ça qu'on va les sauver et qu'on va leur permettre d'avoir un avenir dans l'au-delà. C'est pas ça. Ça peut contribuer à un confort mondain, etc. Mais s'ils ne connaissent pas Allah, s'ils ne connaissent pas la religion d'Allah, s'ils ne mettent pas en application ce que veut de Allah subhanahu wa ta'ala, on est le responsable à l'islam. Hein? Et demain est proche. Demain, on va se retrouver devant Allah. Hein? قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Regarde, tu y croyant, cet appel, il te concerne, il me concerne, il concerne tout un chacun qui a cru en Allah et qui a pris, hein, l'islam comme religion et qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala avec cette religion et qui a cru en Muhammad alayhi salatu wassalam. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: ô vous qui avez cru, préservez vous ainsi que ceux qui sont sous votre responsabilité, vos femmes, vos enfants et ainsi tous ceux qui sont sous votre responsabilité, d'un feu dont le combustible c'est les pierres et les gens, qui est gardé par des anges très forts qui ne désobéissent pas Allah et qui font ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire. Regarde maintenant, frère en Allah Azza wa Jal, la situation que traverse le monde avec un petit virus qui ne se voit pas à l'œil nu. Regarde la situation d'insomnie qu'il a donnée à cette civilisation qui est arrivée, soi-disant, au top du progrès. Il ne peut rien contre un petit soldat que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Hein? Et nous devons prendre la leçon. Ça peut me toucher, ça peut me toucher ma femme, mes enfants, etc. Mais qu'est-ce que nous avons préparé pour rencontrer Allah? Hein? Où sommes-nous dans notre foi, dans notre soumission à Allah Azza wa Jal? Et ça, c'est l'un des signes d'Allah, comme il envoie subhanahu wa ta'ala par moment pour nous booster, pour nous donner une onde, qu'on reçoit une onde de choc pour se réveiller. Où sommes-nous par rapport à notre obéissance à Allah Azza wa Jal, par rapport à notre religion, par rapport au droit d'Allah, par rapport au droit des créatures d'Allah, par rapport à nos femmes, par rapport à nos enfants, et ainsi de suite? Ce sont des signes et nous devons être éveillés. Et il est malheureux que se trouvent dans la communauté des gens qui font des blagues sur le virus. Car c'est une situation qui est très dangereuse. Tu imagines que peut-être cette année il n'y aura pas de pèlerinage ou peu de gens pourront le faire. Tu imagines qu'à certaines heures de la journée et de la nuit, Tawaf est interdit. Imagine que les cours dans la mosquée du prophète et dans toutes les mosquées de Médine sont stoppés. Tu imagines que c'est stoppé, tu ne peux pas rentrer dans Rauda, l'endroit qui se trouve entre le minbar du prophète et les appartements. Tu imagines la catastrophe et tu fais des blagues là-dessus. C'est une énorme catastrophe. Et nous devons être conscients, nous autres soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, avant qui que ce soit, pour revenir vers Allah et voir où sommes-nous de la religion d'Allah, où sommes-nous de cette religion qu'il veut de nous, où sommes-nous de la voie de ce sirat al-mustaqim, de cette voie droite qui est la voie du prophète, de ses nobles compagnons, où sommes-nous de tout ça, où sommes-nous par rapport au livre d'Allah, à son apprentissage, à sa compréhension, à sa mise en application, hein? Au lieu de faire des blagues, comme si de rien n'était, alors que la situation est énorme à l'islam. Et cela te prouve la puissance d'Allah. Rien ne peut faire quoi que ce soit devant un petit soldat que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Et ceci doit te faire motiver à louer Allah Azza wa Jal et à regarder dans ton manuscrit qu'est-ce que tu as fait. Parce que ce qui arrive, il ne faut pas croire que c'est comme ça. Ce qui arrive, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Mais c'est parce que le mal s'est propagé sur terre et dans les cieux et dans la mer, etc. Dans les cieux, tu imagines comment? Regarde l'alcool qui se boit dans les avions, dans les cieux. Donc au fin fond des mers aussi. Hein? Et regarde tout le mal qui se fait sur terre. Hein? Regarde comment l'usure, les intérêts, l'adultère, la débauche, là. Pas tout simplement dans le monde non musulman. Hein? Et ça, ce sont des leçons que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie pour revenir à ce qu'il veut de nous. Et donc nous devons préserver, ça fait partie de notre foi de préserver ceux qui sont sous notre responsabilité, nos enfants et nos femmes à l'islam. Hein? Et c'est cela se fait par le biais de l'éducation selon le livre et la sunna et la compréhension et la voie du pire prédisseur d'Allah alayhim. Et si on n'apprend pas et on perd, hein, et on perd notre temps, comment on pourra arriver à remplir notre devoir? Et comment on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on dira à notre souverain subhanahu wa ta'ala le jour de sa rencontre? De cette responsabilité qu'il nous a donnée. Hein? C'est bien qu'on mette nos familles à l'aise, dans le confort, etc. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la religion, ni au détriment de l'éducation musulmane, ni au détriment de l'au-delà. Abadan. Il faut arriver à équilibrer la situation pour ne pas perdre. Le jour de la réjection, ta femme ne te connaîtra pas, ni ton père, ni personne. Chacun, tu vas lui dire, il me manque une hasanat. Nafsi, nafsi. Donc pense à ça. Pense à ça. Ils pensent qu'eux, ils vont te demander des comptes ce jour-là. Tu ne nous as pas éduqués. Alors que tu remplissais les chariots. Mais si c'est pas ça, ça c'est juste l'éducation du corps et du matériel. Il leur faut l'autre éducation spirituelle et religieuse qui les oriente vers la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre situation est très grave à l'islam. Faut pas croire. Faut pas t'endormir sur ton confort là où tu es. Abadan à l'islam. Il faut se réveiller. Il faut que qu'on fasse les comptes avec nous, avec nous-mêmes. Où nous voulons rencontrer Allah avec quoi? Qu'est-ce que nous avons préparé pour la rencontre d'Allah? Hein? Où sommes-nous de notre responsabilité? Hein? Sauf qu'il peut, akhal islam. Sauf qu'il peut tant qu'il est temps. Hein? Alors la situation devient de plus en plus serrée. Et si tu délèges quelque chose pour Allah, Allah il te donnera mieux. Et laisse pas Shaitan te miroiter et te faire vivre dans les rêves et te faire peur de ta hijra ou de ta vie dans le pays de l'islam, etc. Abadan. Si tu laisses quelque chose pour Allah, Allah il te donnera mieux. Et ça, je prie en Allah subhanahu wa ta'ala que la science bénéfique est un moyen principal après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour augmenter ta foi. Et compte par le bienfait d'Allah dans une région où tu es, il y a des assises qui se font, hein, par des gens qui sont dignes de la voix de tes pires prédisseurs. Wallah alim, ne les néglige pas, hein. Il faut être reconnaissant à ce bienfait d'Allah. Il faut en profiter. Sinon, déjà même, tu auras ce qui est promis à ces gens-là, dans cette assise. Ils seront couverts par la clémence d'Allah, entourés des ailes, des anges, et Allah jettera dans leur cœur la quiétude et l'apaisement. Et ceci, c'est pas sur la place du marché que tu l'auras, ni sur le terrain de foot, ni dans le centre social, ni sur les pistes de ski, et j'en passe. Hein? Et si on ne sait pas reconnaître le bienfait qui se présente à nous, on le perd. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. La reconnaissance, c'est quoi? Taqwa. Taqwa, c'est quoi? La mise en application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant la récompense minallah. Et délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah azza wa jalla. Et il comporte deux choses. La mise en application, avec l'espoir de la récompense et la peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Hein? Alors, il ne faut pas qu'on tombe dans le gouffre et dans le filet que nous tendent les shayatins humains et les shayatins des djinns. Car tôt ou tard, on le regrettera. Et peut-être que ça sera trop tard. Et là, on ne citera pas les bienfaits et les mérites de la science, car c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais je vous rappelle seulement ainsi qu'à moi-même que la science du livre et de la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédicateurs d'Allah alayhim est un grand moyen pour augmenter la foi. Et qu'on cible ici pour augmenter sa foi, on doit cibler les matières de la science bénéfique qui sont la cause directe de l'augmentation de la foi. Les sujets de la science et les matières de la science du livre et de la sunna sont nombreux et vastes. Mais parmi les sujets et les matières de la science qui augmentent la foi, arrive en premier lieu la connaissance d'Allah Azza wa Jal. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de par ses noms, de par ses attributs. Une vraie connaissance. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de très important dans la vie du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait augmenter la foi du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait augmenter sa taqwa. Et sa mise en application de ses ordres et le fait éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Celui qui a une grande connaissance d'Allah Azza wa Jal aura une grande crainte d'Allah Azza wa Jal. Il est dit dans le verset Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, certes, ne craint Allah parmi ses soumis, ceux qui savent. Abdullah ibn Abbas a dit ceux qui connaissent la ilaha illallah, et ceux qui connaissent Allah comme il se doit. Et cette crainte ici, le khashia, c'est pas une peur simple. Le khashia, la crainte qui est demandée, c'est une peur accompagnée de révérence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est une peur et d'amour d'Allah. On référence Allah subhanahu wa ta'ala et on l'aime. Et on a peur de son châtiment. Hada al-khashia. Hein? Ce n'est pas une simple crainte. C'est quoi la simple crainte? La simple crainte, je vais te donner un exemple, tu la comprends tout de suite. Tu es sur l'autoroute, tu vois le radar, le signal de radar dans 2 kilomètres. Classe, tu enlèves le pied sur le champignon. Tu dépasses le radar, tu enfonces ton accélérateur. Ça, c'est la peur. La peur pour perdre tes points de permis, ou là pour payer l'amende, etc. Hein? Mais le khashia, où que tu sois, et dans n'importe quelle situation, tu crains Allah. N'importe quelle soit la situation, et n'importe quelle soit ta position, et avec n'importe qui, tu agis avec lui par crainte d'Allah et par soumission à Allah Azza wa Jal. Hein? Donc nous devons connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur subhanahu wa ta'ala, et comme il sied à sa majesté de par ses noms, de par ses attributs, de ne pas modifier ni l'un ni les attributs, de ne pas lui donner de similaire, et ainsi de suite. Il est rapporté dans les authentiques, Inna lillahi tis'atan wa tis'una ism, mi'a illa wahid, man ahsaha dakhala al-jannah. Dans l'authentique, il est dit, chez l'imam Bukhari, l'imam Muslim, Allah a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les comptabilise, il aura le paradis. Compter ou comptabiliser 99 noms parmi les noms d'Allah est un grand moyen pour entrer au paradis. Certains qui n'ont pas la science ou qui en ont peu croient que comptabiliser 99 noms, c'est les apprendre par cœur seulement ou de les avoir sur une petite carte dans son portefeuille. Et les sortir et les lire de temps en temps, ou de les avoir en décoration sur un beau tableau dans la mosquée, ou dans le salon de la maison, ou dans la chambre, ou autre. Abadan akhal islam. Abadan. Ceux-là n'ont pas compris le vrai sens de man ahsaha. Abadan, ils ne l'ont pas compris. Hein? Car cela ne veut pas dire les mémoriser seulement ou les réciter. Ce qui évolue, c'est la mémorisation, la compréhension et la mise en application de ce que ça implique. Les noms et les attributs, ils ont du coup une certaine adoration, chacun, qu'il faut accomplir. Par exemple, tu apprends ce que c'est que l'alim. C'est un attribut d'Allah. L'alim, c'est un nom d'Allah, duquel découle al-ilm, qui est un des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, ce nom et cet attribut sont cités dans beaucoup de passages et dans beaucoup de versets. Hein? Donc son nom, l'alim, prouve l'immensité de sa science, subhanahu wa ta'ala. Cette science qui n'a pas été précédée par l'ignorance, hein, et cette science qui cerne tout. Rien n'échappe à la science d'Allah, Azza wa Jal. Ce qui sera et ce qui va être avant qu'il arrive. Hein, tout rentre dans la science d'Allah, Azza wa Jal. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui va exister, s'il existe, comment il va exister. Sa science, subhanahu wa ta'ala, n'a pas été précédée par l'ignorance. Et jamais il sera atteint de l'oubli. قال عز وجل وما كان ربك نسيا. La traduction approximative du sens du verset, ton souverain n'oubliera rien, il n'oublie rien du tout. Hein? Sa science, subhanahu wa ta'ala, cerne tout et rien ne lui échappe. قال عز وجل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Écoute le verset. Montrez l'immensité de la science d'Allah. Louange à Allah, dans la traduction approximative, louange à Allah à qui appartient les cieux et la terre. La louange à Allah, aussi dans le delà, il est celui qui fait les choses à la perfection et qui connaît tout. Il sait ce qui rentre dans la terre et ce qui sort de la terre. Il sait ce qui descend du ciel et ce qui monte vers le ciel. Et il est le grand clément, le grand pardonneur. Ceux qui ont mécru ont dit, il n'y aura pas d'heure. Il n'y aura pas de résurrection. Dis-leur, certes, par mon souverain, par mon Seigneur, l'heure arrivera. C'est lui qui connaît l'invisible. Rien n'échappe, ne serait-ce que l'atome. Une petite atome ne lui échappe pas. Sur terre et dans les cieux. Et moins que ça aussi ne lui échappe pas. Et plus grand que ça ne lui échappe pas. Et tout est dans un livre clair. Tout est dans la planche préservée. 50 000 ans avant l'existence des cieux et de la terre, il est écrit. Allah subhanahu wa ta'ala dit au crayon écrit. Ce que je vais écrire, ce qui va être et ce qui sera jusqu'à la fin des temps. Donc notre ovirus qui nous rend insomniaque maintenant, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il est écrit dans le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala le savait quand est-ce qu'il va arriver. Avec tous les autres maladies qui sont arrivées dans la communauté auparavant et ainsi de suite, et qu'a subi l'humanité, tout ce qu'ont subi tous les communautés. Hein? Donc la science d'Allah cerne tout et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le croyant croit qu'Allah est alim, il confirme l'attribut de la science à Allah et il garde toujours dans son esprit que la science d'Allah cerne tout et connaît tout, connaît le nombre de toutes choses. Je te défie au printemps de me comptabiliser le nombre de feuilles qui tombent dans ta cité ici. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Quand est-ce qu'il va tomber, combien ils vont tomber, et ainsi de suite. Et toi, si on te demande de faire le compte, peut-être tu ne vas pas dépasser un mètre de la mosquée, tu seras fatigué déjà. Et que tu vas oublier combien tu as compté déjà. Alors que rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. قال عز وجل يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. La traduction approximative du sens du verset, Allah connaît les clins d'œil de trahison et tout ce que renferment les poitrines. Combien et comme mal, il sait tout. Le pauvre qui est en face de toi, ou là, Ada, tu fais un clin d'œil pour, avec un autre sur lui, Allah il sait. Ouais, il n'a pas vu. Mais Allah, il le sait. Avant que tu le fasses. Est-ce que, si strabe les pensées qu'il y a dans le cœur, dans l'esprit, il les connaît avant que ça commence à faire monter dans l'intérieur de la personne. Donc, parmi l'exemple, les grands exhortateurs et les grands avertisseurs qui motivent l'obéissance, du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il croit d'une façon vraie et authentique en le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Il le met en application. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, alerte. Ça doit l'alerter. Parce qu'il sait que rien n'échappe à Allah, azza wa jalla. Donc le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon qui motive à observer Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, c'est ce qui est demandé. Et non pas comme des fois sur certaines chaînes de télé, du Maghreb, tu les entends assez après la danse, etc., avec le bendir et la musique en train de les chanter, les noms et les attributs d'Allah azza wa jalla. C'est pas ça. Abadan. Ceci fait engloutir dans la déviance, tout simplement. Et quand tu lis dans le Coran, il est celui qui entend tout, celui qui voit tout. Si deux majestueux noms d'Allah prouvent lui et la vue d'Allah, comme il sait à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Au-dessus, 17 cieux, au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de 17 cieux, il entend tout, et il voit tout, rien ne lui échappe. Il entend tous ceux qui l'implorent, il les voit tous. Azza wa Jal. Regarde, lors d'un voyage, les nobles compagnons ont élevé leur voix avec Tkbir. Ils ont élevé leur voix. Allahu Akbar. Le messager d'Allah leur a dit ceci. Aménagez-vous. Vous n'êtes pas en train d'implorer un absent ou un sourd. Vous implorez celui qui entend tout et qui voit tout. Arbi'u ala anfusikum. Fa'innakum la tad'ouna asam wa la ghaiban. Innama tad'ouna sami'an basira. Hadith l'échid imam muslim. Quand Khawla bint Ta'laba, radiyallahu anha wa ardaha, est venu chez le messager se plaindre de son mari, il était chez Aïcha, dans la pièce de Aïcha, radiallahu anha. Et le prophète est là. Il se plaignait de son mari au messager, alayhi salam. Aïcha a dit qu'il n'a pas entendu certaines parties de la discussion de Khawla. Pourtant, la pièce, c'est pas comme nos pièces aujourd'hui, c'était des petites pièces. Et puis, il est descendu du dessus. du trône d'Allah au-dessus des sept cieux, la parole d'Allah qui se lit jusqu'à la fin des temps. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله l'a entendu. Il a descendu en Coran qui se lit jusqu'à la fin des temps. Allah, dans la traduction approximative de ce verset, Allah a entendu celle qui est venue se plaindre de son mari. Et Allah a entendu votre discussion. Aïcha a dit, Alhamdulillah, الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول. عائشة دي quand il y a eu le verset longe Allah dans lui capte tous les sons. J'étais dans un coin de la pièce au moment où cette femme se plaignait au messager عليه الصلاة والسلام de son mari, et j'ai pas entendu ce qu'il disait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux, il a tout entendu. Regarde, Aïcha fait les louanges à Allah, Azza wa Jal. Il était dans la pièce. Et pourtant, une partie de la discussion lui échappait. Et Allah a tout entendu, subhanahu wa ta'ala. Allah entend tous les voix, avec la différence des langues et la disparité des besoins. Les gens sont différents dans leurs besoins sont différents, leurs langues sont différentes aussi. Donc ils demandent à Allah, subhanahu wa ta'ala, chacun avec sa langue, chacun lui demande des choses dont il a besoin. Et Allah entend tout ça. Si tous les gens, du premier jusqu'au dernier, se lèvent tous et implorent Allah, chacun implore Allah subhanahu wa ta'ala dans sa langue, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala son besoin dans sa langue, il n'y aura pas de confusion chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est les attributs d'Allah, comme il sait à sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Et donc, le faible être humain que nous sommes, tu as deux personnes qui discutent devant toi, ou trois, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Ça devient confus pour toi. Parce que lui que nous avons, et la vue que nous avons, correspond à notre faiblesse et à notre incapacité. Alors que la vue, lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, ici à sa grandeur et à sa majesté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant cet être humain, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Il dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis deux cœurs dans la poitrine d'un être humain. Abadan. Regarde, on donne un exemple qui est, tu es dans une assise, ou avec des gens, ou dans une assise, peu importe. Et en même temps, tu es occupé par ton téléphone et à regarder les messages, etc. Tu vas capter quoi dans ces cas-là? Tu peux capter les deux? Khalas. Tu vois notre limite et notre incapacité où il y est? Tu ne peux pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tes capacités qu'il t'a données sont très limitées. Et tu ne peux pas t'occuper de plusieurs choses à la fois et comprendre plusieurs choses à la fois. Comme il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, la majesté et l'immensité de lui, d'Allah, qu'Allah entend tout, tout un chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Il implore, il entend tout ce qu'il implore, ceux qui se plaignent à lui, ceux qui demandent des choses. Donc nous devons faire très attention à ce niveau-là. Et à ne pas faire entendre Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'aime pas et ce qu'il n'agrée pas. Comme médisance, comme comportage, comme grossièreté, et ainsi de suite. Nous ne devons pas faire entendre Allah subhanahu wa ta'ala ce qui va nous prévaloir, la colère d'Allah. Il a le châtiment d'Allah. Et comme il dit le nom d'Allah, Al-Basir, qui prouve l'attribut de la vue d'Allah, comme il sied à sa grandeur aussi. Rien n'échappe à la vue d'Allah Azza wa Jalla. Certains compagnons ont décrit ainsi la vue d'Allah, pour nous montrer la grandeur de sa vue. Il dit, Allah voit l'avancée de la forme sur le rocher lisse noir dans la nuit sombre. Hein? Alors qu'il est au-dessus, 17 cieux. Hein? Voici la connaissance qu'on avait des nobles compagnons d'Allah. Allez. Et le pauvre être humain, s'il est à côté d'un rocher lisse dans le noir de la nuit, il ne verra pas la fourmi. Il ne verra pas la fourmi avancer dessus. Hein? Et peut-être même s'il avance dans cette allée où il y a ce rocher sur lequel il y a cette fourmi, il va se heurter à ce rocher, il ne le verra même pas, alors qu'il est grand. Hein? Et là, il prouve l'immensité des attributs d'Allah Azza wa Jal, et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance, et la faiblesse et l'incapacité de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, cette petite fourmi, voit ses veines et le liquide qui coule dans la fourmi, etc., ou dans l'abeille, tous ces petits insectes, etc. Rien n'échappe à Allah, Azza wa Jal. Hein? Donc nous devons faire très attention et avoir de la pudeur devant Allah, Azza wa Jal. Et observer nos actes et nous dire, et où sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans un endroit où Allah aimerait nous voir? Là, nous sommes dans un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Hein? Est-ce que nous disons quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime entendre ou là qu'il n'aime pas? On donne l'histoire. Dire que ceux qui comprennent la réalité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une mosquée de la montagne, un cheikh avait mis en avant un jeune garçon. Il a capté que les étudiants qui étaient là sont jaloux de ce jeune garçon et de l'approche qu'il a avec. Quand il a vu ça pour leur faire comprendre que la situation c'est pas l'âge, mais c'est quelque chose que l'Allah, avec laquelle comble sont soumis, il leur a dit, vous allez prendre un oiseau, là un poulet, vous allez l'égorger là où Allah ne vous voit pas. Tous sont venus avec leur coq ou là, avec leur oiseau égorgé. Chacun il est allé, où est-ce qu'il est allé, croyant que il n'est pas vu. Et le petit jeune est arrivé, sa bête dans la main vivante. Il a dit, mais qu'est-ce que t'as fait toi? Je t'ai dit d'égorger. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as pas dit d'égorger, tu m'as dit d'aller égorger là où Allah il me voit pas. Mais partout où je vais, Allah il me voit. Hein? Ah, de la compréhension. Hein? Où que tu sois. Et surtout maintenant, tu es dans ta chambre, tu es dans un coin avec ton téléphone. Faut que tu fasses attention, Allah il te voit. Et la tentation avec ces téléphones est très très grave. Hein? Tout ce qui monte comme photo, comme j'en passe. Et toutes les tentations avec les tchats, avec les sœurs, et j'en passe. Les sœurs aussi. Il faut se rappeler qu'Allah il est basir, qu'Allah il entend tout, et qu'il voit tout. Hein? Nous devons méditer et comprendre les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal et les mettre en application ce que ça implique. Hein? Dans le Coran, il y a un peu plus de 80 noms d'Allah. Et dans la Sunna, encore plus. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités à 99 noms. Sinon, tu vas voir le hadith de celui qui est en détresse. Ce que lui a Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam enseigné. Et dans ce hadith, il est dit, بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَيْمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ نَزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Dans ce hadith, dans ce dua, hein, il est composé ainsi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala partout. Il dit partout non, que tu t'es donné à Allah, ou que tu as mis dans ton livre, ou que tu as enseigné à quelqu'un parmi tes créatures, ou que tu as gardé dans la science, dans l'invisible, que personne ne connaît. Cela te prouve que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas au nombre de 99, ils sont plus que ça. Déjà, un certain nombre de sciences, dont ce qu'ils ont cité comme, sont arrivés à 240. Parce que ceux qui ressortent de la sunna, du livre d'Allah Azzawajal, hein, et certains dérivés, ou certaines choses qui sont annoncées dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Hein. Donc le croyant, pour augmenter sa connaissance d'Allah et augmenter sa foi, doit connaître ses noms et les méditer, les comprendre et mettre en application ce qu'ils impliquent. Hein? Regarde, l'amour, hein? L'amour et la réelle connaissance et la vraie connaissance du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce compagnon radiallahu anhu arda. L'histoire est relatée par l'imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, continue, on voit un escadron, il met un émir. Puis là, on voit un escadron avec un émir. Cet émir, c'est lui qui doit faire les prières, qui préside les prières. Donc chaque fois qu'il fait la prière, il lit le Fatiha, une sourate ou quelques versets, il les suit de « Huwallahu ahad ». Hein? Et ils sont revenus. Ils ont raconté ce que faisait ce compagnon durant le voyage, dans la prière. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, demandez-lui pourquoi il faisait ça, pourquoi il agit ainsi. Regarde la réponse. Il a dit, je l'aime parce qu'il contient, dans une version, parce qu'il contient l'attribut du clément. Regarde maintenant ce qu'a dit l'annonce, la bonne nouvelle que lui a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allez lui dire que son amour pour, hein, lui a prévalu le paradis. Hein? Regarde où est-ce que ça amène. Hein? Et donc le musulman compte. Il aime les noms d'Allah. Il les attribue d'Allah. Il s'occupe à les comprendre d'une façon saine et à les apprendre et à les mettre en application. Hein? Cela va fortifier sa foi. Il va augmenter sa foi. Hein? Et on va arrêter, inshallah, là maintenant. Et on reprendra après Salatul Maghrib, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu fikum. Jazakumullahu khairan.